DJ Hamida. Numéro uno, Champs-Élysées. Comme le nouveau. J'aime le bruit qui est bien tenu. Hiya hiya, bref, j'tah. Elle veut pas se compliquer la vie avec un mec qui sort du j'tah. Elle ne veut pas la vie de star. Elle veut un taf et bingo. Elle veut bronzer sur le star. Awaran avec ce pinko. Non, elle est pas dans le délire vif. Les mecs soit qui montent leur slip. Gros mito terre, les chichas qui font les gangsters dans leur clip. Dans leur clip avec des billages alcoolisés, pas trip. Le matin sans maquillage, on tirait les comptes de la crime. Elle double l'air. Tu peux jouer les gros bonnets. Indépendante, rien à foutre de ta monnaie. Elle a pas ton temps. Fais pas le méchant. Elle regarde l'amour et dans le pré. Toi tu cherches l'amour sur les champs. Oh, Champs-Élysées. 5h du mat, on sort de bois, tous alcoolisés. Où est mon idéal, assez volatilisé. Peut-être qu'elle n'existait pas. Je crois qu'on a trop teasé. Yazi a dit il était. J'ai vu l'air et j'dis. T'as payé ta bouteille, mais elle voulait qu'elle m'aille, j'dis. Bienvenue aux Champs-Élysées. Yeah, yeah, yeah, yeah. Où le rap est banalisé. Yeah, yeah, yeah, yeah. J'ai le bruit qui est bien tenu. Yeah, yeah, ta rap c'est le buzz. Tu la veux, tu fais du business pour te marier. Chris Habuz, si t'arrêtes, bah c'est la haise. Mais c'est la plus belle de la thèse. Fais un crédit pour la dot, son daron t'a dit passe à la caisse. Voyage des noces à Marrakech. Fais pas le gueuche, assume ton rôle ou garde la pêche. Wesh, fais un gueuche, arrache un queue, souvent de la CES. C'est pas tout des IM, non non, c'est pas tout des IM. Prends pas toutes les beurrettes pour des michetonneuses. Fuck ton Porsche Cayenne. Tu peux jouer les gros bonnets. Indépendante, rien à foutre de ta monnaie. Elle a pas ton temps. Fais pas le méchant. Elle regarde l'amour et dans le pré. Toi tu cherches l'amour sur les champs. Oh, Champs-Élysées. 5h du mat, on sort de bois, tous alcoolisés. Où est mon idéal, assez volatilisé. Peut-être qu'elle n'existait pas. Je crois qu'on a trop teasé. Yazi a dit il était. J'ai vu l'air et j'dis. T'as payé ta bouteille, mais elle voulait qu'elle m'aille, j'dis. Bienvenue aux Champs-Élysées. Yeah, yeah, yeah, yeah. Où le rap c'est banalisé. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. DJ Hamida.